Psaume numéro 55. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent et ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des êtres de chair? Tout le jour, leurs paroles me blessent, ils ne pensent qu'à me faire du mal. À l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas, comme s'ils voulaient ma mort. Vont-ils s'échapper malgré leurs crimes? Que ta colère, mon Dieu, abatte les nations. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Ceci n'est-il pas dans ton livre? Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, le Seigneur dont j'exalte la parole. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Car tu m'as délivré de la mort, et tu préserves mes pieds de la chute, pour que je marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants.